Kim Chun-gyun, vice-président du comité de coordination d'État de la République populaire démocratique de Corée pour la prévention du blanchiment d'argent et de l'assistance au fonds pour le terrorisme, qui est aussi président de la Banque centrale, a adressé le 13 juillet une lettre à Jean-Manuel Vega Serrano, président du groupe d'action financière pour la prévention du blanchiment d'argent. En voici le résumé. La lettre du 30 juin 2016 de l'ancien président du groupe d'action financière ne provoque qu'une déception, car le groupe se conduit de façon partiale en dénaturant extrêmement la réalité au sujet du problème coréen et en représentant seulement les intérêts des pays particuliers. Sans rester à taxer notre république d'État menaçant le système financier international à l'aide du problème du blanchiment d'argent et de l'assistance au fonds pour le terrorisme, le groupe cherche à justifier la mesure de riposte visant à bloquer les opérations financières de notre République en faisant bruit de notre menace de prolifération des armes d'extermination massive. La démarche du groupe évoque justement la tentative américaine d'isoler et d'étouffer notre République en la stigmatisant surtout comme pays du blanchiment d'argent et violateur des droits de l'homme. Depuis 2013, en étroite collaboration avec le groupe, notre République prend activement des mesures d'action pour se conformer à la norme internationale visant la prévention du blanchiment d'argent, et d'ailleurs, le groupe l'avait estimé positivement. La fondation du comité de coordination d'État, l'adoption de la loi contre le blanchiment d'argent et l'assistance au fonds pour le terrorisme, l'adhésion à la Convention de l'ONU contre les crimes organisationnels transfrontaliers et autres mesures sont le résultat de nos efforts pour renforcer constamment le système de prévention du blanchiment d'argent et de l'assistance au fonds pour le terrorisme, conformément à la norme internationale, en collaboration avec le groupe. Quant au problème de la prolifération des armes d'extermination massive, la possession des armes nucléaires par notre République et la mesure de légitime défense pour préserver la souveraineté et la dignité du pays face à l'hostilité scélérate des États-Unis, et notre République remplit sincèrement son devoir devant la société internationale contre la prolifération des armes d'extermination massive, y compris les armes nucléaires, en qualité de possesseur du nucléaire responsable. Si notre possession des armes nucléaires équivaut à la prolifération des armes d'extermination massive, le groupe est invité à répondre comment traiter les États-Unis qui disposent une pléthore d'armes nucléaires partout dans le monde et qui versent des sommes exorbitantes à la modernisation des armes nucléaires. Notre République ne cessera pas la collaboration avec le groupe à partir de l'attitude invariable opposée au blanchiment d'argent et à l'assistance au fonds pour le terrorisme et la prolifération des armes d'extermination massive, mais elle sera obligée de prendre en considération ses rapports avec le groupe s'il est manipulé toujours par les États-Unis et quelques autres pays.